Tu n'imagines pas le bien que ça me fait de savoir que le soleil n'est pas loin de nous. Moi, je m'en fous, là. Je comprends pas, là. Comment ça peut vous, comment le, vous rendez-vous compte à quel point vos pensées sont trop importantes, là? À quel point ça change trop de choses, là? Bon, vous voyez, là, moi, les minuits, là, le soleil. Comment ça se fait que votre rapport au réel est lié à votre à vos pensées? Vous êtes en rapport avec des pensées là, dans ce que vous m'écrivez. Donc, c'est l'effet de savoir ou pas quelque chose qui va changer votre état. Alors que même comme le chat, là, il pense pas, puis il est bien quand même. Puis c'est pour ça que l'être humain, il est entêté, puis il va persister des fois dans des choses. Vous voyez, le chat, il recommence tout le temps, mais il se tape, puis il s'en va. Mais c'est parce qu'il pense pas. À un moment donné, il sait que je lui ouvrirai pas. Mais c'est parce que là, le bien que ça fait de savoir que le soleil, qu'il soit loin ou proche, ça change quoi, là? Ça, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça, c'est des choses que je m'en fous tellement. Je m'en fous tellement. C'est comme la forme de la planète, je m'en fous tellement. Ça change quoi? Ça change rien. C'est pas normal que le rapport aux pensées ait une telle importance. Je veux dire, c'est l'être humain, il pense le monde. C'est ça, je pense donc je suis. Mais là, vous trouvez pas ça, justement, c'est un petit peu, vous trouvez pas ça encombrant, vous trouvez pas ça handicapant d'accorder une telle importance à certaines choses. Je veux dire, ça change quoi de savoir ça ou pas? Bon, je veux dire, prenons une plante, elle fait sa photosynthèse pareille, elle ne se met pas à penser à la distance du soleil, ça, pas besoin.